Yo, DARK Dark Spirit, chantement rythmique pour anonyme citoyen sur ce beat. Ligne de vie, ligne de survie, instinct de vie, instinct de survie. Je suis la rampe de la chaussée, éveillé, je comprends que je suis bien réveillé. Fatigué, je ne suis pas pensé sur l'avenir d'une société. Je rugis mon cri de vie, poussé par mon instinct de survie. Mon intellect me ramène à écrire des lettres qui prêtent attention au pas de l'humain. Demain pour demain, qu'a fait l'humain de ses mains. Je suis la rampe de la chaussée, souillée par les pieds de l'homme. Cherchons la clé de leur devenir, leur pas au prix empreinte sans mon destin. Je sens les pas de ces hommes marcher sans ma chaussée. Marcher sans ma chaussée. Cherche l'endroit où se réfugier. La rampe glissante les sombres vers le bas. Certains s'agrippent pour ne pas chuter. Pour ne pas chuter, laisse tomber. Cherche l'endroit où se réfugier. La rampe glissante les sombres vers le bas. Certains s'agrippent pour ne pas chuter. Pour ne pas chuter, laisse tomber. Je suis la rampe de la chaussée. La rampe de la chaussée qui te permet de marcher. Rampe vers tes sinueuses qui prend les allures d'une pente. Rampe symbole d'une ligne qui tourne comme un vinyle. Les pas de ces hommes sont sur moi comme une mine. Cherchons à signer l'encre de son existence. Alors je suis la rampe qui chausse l'humanité. Ramper à tel premier pas de l'homme pour marcher. Marcher vers l'arrêté d'une vérité. L'homme. L'homme est ver de terre, ce ver par la teinte d'une lumière. Comme un ver d'espoir, c'est transparent qu'un ver. Vérité de vie, vérité de survie. Je suis la rampe à la physionomie d'une ligne droite sans fin. Cherche l'endroit où se réfugier. Ma rampe glissante les sombres vers le bas. Certains s'agrippent pour ne pas chuter. Pour ne pas chuter, laisse tomber. Cherche l'endroit où se réfugier. Ma rampe glissante les sombres vers le bas. Certains s'agrippent pour ne pas chuter. Pour ne pas chuter, laisse tomber. Je suis la rampe de la chaussée. Enclin d'un destin sans fin. Rampe à l'apparence d'une ligne prouvant ton existence. Je suis une ligne qui s'aligne à ta vie. Une ligne qui sonne infini. Je suis ta ligne de vie. Une ligne qui sonne infini. Ligne de vie qui prend les allures d'une pente. Quand les moments sont difficiles, me voilà aussi fin qu'un fil. Toi, tu vois l'équilibriste improviste. Rends les moments difficiles faciles à vivre. Parce que tu veux comprendre qu'on le vertige gagne ta raison. Aliéné à la folie, tu rentres sur ces trompes aux allures filmiques. Ce non-mouvement a perduré dans le temps. À présent, ton cœur ne connaît que seule chaleur. La froideur. Laissons le désir d'agir, laissons envie des convies. Pourtant ta vie est une ligne fine, équilibriste, improvise. Toi homme de foi, tu traces ton chemin de croix sur la rampe de ma chaussée. Déterminé à mettre fin à ton destin, que vas-tu découvrir? Un sourire. Peut-être, et si tout se passe dans ta tête? Et si tu pouvais mettre dans ta tête que tu es maître? Maître de ton être, être à devenir un maître. Un maître en vie, un maître ta vie. Un maître de vie, un maître pour mettre une vie. Un maître pour émettre une vie. Un maître à faire, tu comprendras ton être. Un être qui aura franchi ce maître pour apprendre 6 km et comprendre son être pour devenir maître. La rampe de la chaussée est une corde qui s'accorde à imaginer l'homme marchant sur le monde. Un homme à l'image d'un dieu, un dieu à l'image de l'homme. Quelque chose vient de naître, un maître. L'humain est divin, enclin à être maître de son destin. Malgré les déclins de nos sociétés, pensez ne trop marcher. Je reste cette rampe fatiguée de porter le poids du monde. Rêver est ma réalité, crier et reste ma vérité, pour que l'homme trouve sa destinée, je chante mon humanité.